I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, n'est-ce pas? Un billet de papier, c'est une pierre tombale. 6 000 hauteurs, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très, très pénible. Dans une perspective mystico-sentimentaliste, le livre est un objet vivant. Comme les autres objets vivants, il peut donc s'éloigner, vieillir, mourir, ou bien encore nous agacer ou nous réjouir, nous effrayer ou provoquer notre ennui. Il est donc effectivement comme n'importe qui. Au sommaire aujourd'hui, des livres perdus ou donnés, de la poussière, des manuscrits en pagaille, des livres morts, une madeleine, des livres annotés, la photographie et les images. Enfin, la traduction. Épisode 2. Clément. Du coup, il faudrait que je commence par décrire un petit peu l'endroit où on est, donc chez moi. Et alors, pour que les gens se représentent un petit peu à quoi ça ressemble, c'est un... En fait, je vais être très concret. Hein. C'est un appartement de 20 mètres carrés. Dont la pièce, un studio dont la pièce principale fait à peu près, je pense, 16 mètres carrés, je ne sais pas, je sais pas très, tu en penses quoi toi? À peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça, 16. Et de forme carrée. Et je n'ai pas de bibliothèque. Donc, de manière très concrète, en fait, je n'ai pas de bibliothèque, mes livres sont empilés par terre. Contre les murs, à côté de mon lit et à côté de mon bureau, en plusieurs îlots qui ont des significations différentes, enfin à l'origine, que je n'ai pas gardé. Près du mur contre la fenêtre, c'est les livres que j'ai lus, plus ou moins, ou peut-être plus ou moins. Plutôt moins que plus d'ailleurs. Mais en tout cas, ceux que j'ai lus il y a quelque temps, ou ceux que j'ai, qui ont été lus dans les... En fait, il y a beaucoup de livres, entre guillemets, mais c'est juste une petite partie de ma bibliothèque. Ça, ce sont uniquement les livres que j'ai achetés depuis un an et demi. Enfin, ou que j'ai achetés ou qu'on m'a donné, que j'ai acquis depuis un an et demi. Et en fait, c'est juste... c'est pas vraiment ma bibliothèque, en vrai. Ma vraie bibliothèque, elle est chez mes parents. Elle est dans un grenier, dans 20 cartons. Elle remplit ma chambre d'adolescent. Et ça, c'est juste une toute petite partie. Donc, c'est mon état d'esprit du moment, en fait, ou mes préoccupations du moment. Près de mon lit, il y a les livres que je suis en train de lire, ou que je devrais être en train de lire. Il y en a à peu près 60 qui sont empilés sur une palette, et à côté, il y a tous les livres d'art. En fait, j'ai eu une période où j'ai acheté beaucoup de livres d'art, parce que c'était une période où j'avais envie de dépenser mon argent, de manière un peu irresponsable, donc j'ai acheté des tonnes de livres d'art que je n'ai toujours pas ouverts. Et ils sont là. Alors d'habitude, on appelle ça en anglais les coffee table books, donc les livres de table basse. Et en fait, c'est les livres qui font une table basse, parce qu'il y a ma lampe de chevet qui est posée dessus. Et à côté de mon bureau, c'est aussi d'autres livres que je devrais lire. Et il y en a, je sais pas, une centaine, non? 150? Non, un peu moins, je pense quand même. Parce que j'avais commencé à essayer de les compter. Donc à peu près une centaine. Et en fait, si j'ai autant de livres à lire, c'est parce que dedans, il y a beaucoup de textes. Bon, parce qu'en fait, je travaille dans l'édition. Et donc, du coup, il y a des livres que je dois lire pour voir si c'est bien. Et si on les publie en français ou pas. Donc c'est beaucoup de livres en anglais, la majorité. Et il y a quelques livres en espagnol aussi. Parce que je lis aussi l'espagnol. Mais beaucoup moins. Voilà, donc ça, c'est la description du lieu. Et nous sommes actuellement posés devant les livres lus, qui représentent... En fait, ils sont pas tous lus, et en plus... Par exemple, je vais d'abord dire un truc, c'est que j'habite dans mon studio depuis un an et demi, bientôt 2 ans, et avant j'habitais en coloc, et donc j'avais pas du tout de place pour les livres. Et donc quand j'ai emménagé dans ma coloc à l'époque, j'avais amené que 5 livres, qui étaient 5 livres qui étaient importants pour moi. Et c'était... Alors il y avait, peut-être pas 5 d'ailleurs, peut-être moins, 4 peut-être, il y avait Le procès de Kafka, il y avait Madame Bovary, que je lis, en fait j'avais, la première fois que je l'ai lu j'avais 17 ans, ou 16 ans, non 17 ans, et au début j'avais rien compris, mais ça m'avait quand même plu, Et depuis, je le relis une fois par an, au moins, en août, généralement, parce que pour moi, c'est relié à un souvenir, au souvenir de la première lecture, parce que quand j'avais 17 ans, je l'avais lu dans le jardin de mes parents, dans un hamac, puisqu'on avait un hamac. Et donc, je me souviens que j'avais lu comme ça, et quand je le lis même encore maintenant, en août, c'est un truc très estival pour moi, j'ai l'impression de me revoir il y a 12 ans, avec la brise qui caresse mes cheveux pendant que je lis ce livre. Et donc voilà, donc ça fait partie des livres que j'avais amenés avec moi. Le troisième était un livre de Pierre Guyotat qui s'appelle Tombeau pour 500 000 soldats, qui est le premier livre qu'il a écrit quand il avait, un des premiers livres qu'il avait écrit quand il avait 25 ans, je crois, ou 27. Et qui est une espèce d'opéra magnifique sur un pays imaginaire en guerre avec les esclavages, le sexe, etc. etc. C'était le troisième. Le quatrième, c'était peut-être le journal de Kafka, mon souvenir. Et le cinquième, ah bah si, le cinquième, si, bien sûr, je suis bête. J'allais dire, j'ai oublié, mais en fait, non, j'ai pas oublié, c'était Absalon, Absalon de Faulkner. Parce que j'adore Faulkner. Et donc, je me suis dit, bah, c'est les cinq dont j'ai, de toute façon, absolument besoin. Le reste, après, je peux ne pas avoir d'autres livres, ça me dérangerait pas, je pourrais les relire ceux-là, au moins les cinq, pendant tout le temps où je serai en coloc. Évidemment, ça n'a pas tenu longtemps, vu que quand je suis parti de ma coloc un an plus tard, j'avais quelques cartons de livres que j'ai dû porter à bout de bras. Même pas dans le métro, j'ai dû les transporter de ma coloc à mon nouvel appartement. C'était à 15 minutes à pied, bon, mais quand même, c'était très très lourd et ça m'a fait beaucoup de mal au dos. Donc voilà. Et donc en fait le truc c'est qu'en fait ça c'est un truc que je voulais dont je voulais parler parce que je viens d'y penser, c'est qu'en fait quand on parle de la bibliothèque, on parle toujours de la bibliothèque comme quelque chose qu'on accumule au fur et à mesure des années. En fait c'est comme si on avait une espèce d'archéologie de la personne qui est en face de toi. Mais en vrai, je trouve qu'on ne met pas assez souvent l'accent sur le fait que la bibliothèque, c'est aussi quelque chose qu'on perd au fur et à mesure des années. Parce que moi, j'ai des souvenirs très précis. Par exemple, bah, j'ai vécu un an à l'étranger, et donc j'ai dû, en partant de là où j'habitais, laisser des livres, forcément, parce qu'on ne pouvait pas tout amener. Ça m'avait déjà coûté beaucoup en frais de port, etc., pour rapatrier tout ça en France. Et par exemple, quelque chose dont beaucoup de gens, je pense, ont fait l'expérience dans leur vie, c'est que quand on se sépare, quand on a vécu en couple et qu'on vivait dans un appartement, quand on se sépare, bah moi, je retournais chez mes parents, donc j'avais pas forcément la place d'amener tout ce que j'avais dans mon ancien appartement, enfin de mon ancien appartement. Et du coup, j'ai laissé, je me souviens très bien, le jour où j'ai déménagé et tout, j'ai laissé, je sais pas, 200 ou 250 livres enfin, devant chez moi, en fait, sur les bancs et tout, pour que les gens les prennent. Et donc, en fait, on n'a jamais la totalité des livres qu'on a lus, même si on les achète tous, admettons. On imagine quelqu'un qui achèterait tous les livres qu'il a lus dans sa vie, et en fait, ça n'existe pas, quelqu'un qui a la bibliothèque avec tous les livres qu'il a lus dans sa vie. Et donc, en fait, c'est toujours quelque chose de lacunaire. Donc, en fait, c'est aussi ce qu'on veut privilégier de son expérience. Parce que généralement, on donne, on se débarrasse des livres qu'on n'a pas aimés ou qu'on relira pas. Et du coup, c'est comme si on pouvait. C'est comme de la chirurgie esthétique, en fait. On privilégie un aspect de soi et on le montre et on l'offre à la destination des autres qui viennent vous voir chez vous. Tu penses pas qu'il y a des livres accidentels? Comme quoi? Enfin, qu'est-ce que tu entends par livre accidentel? Des livres qui se sont retrouvés là par hasard, mais dont tu peux pas te débarrasser? Ah, mais il y en a plein. Oui, par exemple, les livres qu'on nous offre. Alors, moi, il y a un truc très, très, très. Je suis assez sentimental avec les objets. C'est-à-dire que même quand les gens m'offrent des trucs que je n'aime pas, des livres ou des films, des trucs que je n'aime pas, je peux pas m'en débarrasser parce que c'est comme si je tuais la personne. Parce qu'en fait, moi, je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Hein. L'objet qu'on nous offre contient une partie, c'est un truc très fétichiste, hein, mais contient une partie de la personne qui a pensé à nous, son sentiment et tout, et je me dis, en fait, si je m'en débarrasse, c'est que d'une part, je suis un mauvais ami, un mauvais enfant, un mauvais parent, tout ce que vous voulez, et en plus, je fais du mal symboliquement à la personne qui m'a offert. Donc, il y a certains livres qu'on m'a offert que je n'aime pas, mais que j'ai gardés. Je crois pas qu'il y en ait ici, en fait, parce que maintenant, mes amis connaissent un peu mes goûts et ils ont arrêté de m'offrir des livres parce qu'ils savent que soit je les ai déjà lus, soit ça va pas me plaire. Donc, mais par exemple, je me souviens qu'il y avait la meilleure amie de mon ex quand j'ai vécu 5 ans avec lui, donc on se connaissait bien quand même, elle m'avait offert le, comment ça s'appelle, le livre de le père de Vincent Delerme, Philippe Delerme. Elle m'avait offert La première gorgée de bière, qui est un livre que je déteste. Mais ça partait d'une bonne intention, parce qu'elle savait que j'aimais lire, elle voulait m'offrir un livre. Malheureusement, elle ne connaissait pas mes goûts. Donc en fait, j'ai toujours gardé, je crois qu'il est encore chez mes parents, en fait, je m'en suis jamais débarrassé. Bon, je jette pas les livres, enfin, non, je jette pas les livres. Donc je l'ai jamais offert à quelqu'un d'autre, donc parce que je trouvais ça une trahison, et que même si c'est quelqu'un avec qui j'ai plus de lien maintenant, à ce moment-là, elle avait pensé à moi avec ça. Pierre Guyotat, coma. Enfant, je fixe une poussière, une miette, un caillou, une pierre jusqu'à ce qu'il s'anime. Je veux déplacer l'objet isolé en le fixant du regard, tant l'inertie apparente de la matière m'est insupportable, et tant cet isolement même me révolte et me fait souffrir. Un pot de fleurs vide, un broc, un stylo périmé. Cet isolement, le mépris dans quoi on tient ces objets vides et sans usage me remplissent d'une compassion égale et même par moments supérieure de raison et de cœur à celle que j'éprouve pour les humains et ceux qu'on nomme animaux. L'exclusion hors vie m'est insupportable, comme m'est insupportable l'exclusion du criminel. Je prends de ces objets dédaignés et privés de leur activité entre mes mains pour les réchauffer dans mon poing, peut-être les ranimer. J'en mets dans mon lit la nuit pour qu'ils se sentent aimés et reliés au courant le plus intime de la vie. Quoi de plus chaud, de plus secret, de plus fragile que le dedans d'un lit d'enfant? Là, c'est un de ces lieux où le monde renaît sans fin. C'est un des cœurs du monde. Je suis pas quelqu'un qui jette les livres, mais je suis quelqu'un qui donne beaucoup les livres. Parce que quand j'avais 17, enfin, 17 ans à peu près, au moment où les livres, enfin, quand on est un lecteur, généralement c'est le moment où les livres deviennent vraiment importants. Enfin, ça dépend du parcours, mais pour moi c'était à 17 ans que je me suis dit, bah, maintenant j'entre dans la carrière de lecteur. Et à ce moment-là, je me suis fait des amis, que j'ai toujours d'ailleurs, et j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas du tout le fétichisme du livre-objet. Et de la possession du livre-objet. Donc en fait, j'ai découvert avec eux qu'on pouvait faire circuler les livres. Chose qui ne m'était pas du tout naturelle. Parce qu'on a toujours, bah, encore une fois, l'image de la bibliothèque intouchable, intouchée, intangible. Enfin, non, pas intangible. Bref, quelque chose. Inaltérable. Inaltérable, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc en fait, donc j'allais chez eux, et puis en fait, parfois je regardais, on parlait de livres évidemment, je regardais la bibliothèque, et puis ils me disaient, bah oui, bah tu le veux, ce truc, et en fait, et je repartais chez eux à chaque fois avec 5 ou 6 livres et tout, et en fait, le truc tacite, c'était que bah, on les lisait, on les faisait passer à d'autres amis, et en fait, ça circulait. Et c'était beaucoup, en fait, à l'époque, bah, toujours d'ailleurs, pour des livres d'auteurs vivants. Pas pour les classiques, c'est moins intéressant de faire ça parce que on les connaît en fait les classiques, enfin on les connaît au moins de réputation. Et pour les auteurs contemporains, en fait c'est important parce que à l'époque je ne connaissais pas bien la littérature contemporaine française, et c'est comme ça que j'ai beaucoup découvert que j'ai découvert beaucoup d'auteurs en fait. Donc Par exemple. à l'époque, c'est comme ça que j'ai découvert Guyotat par exemple, ou des auteurs mais moins connus. Alors je ne sais pas si ça serait très évocateur, mais des auteurs comme Marcel Moreau, qui est un. Tu connais pas? Non. Oh, c'est trop bien, faudrait que tu lises ça. Non, je pense que ça peut te plaire. C'est un auteur, un auteur belge, je crois, qui est toujours vivant, hein, qui doit avoir 80 ans et tout, qui ressemble à une espèce d'ogre, avec une grosse barbe et des gros cheveux longs, un peu graisseux et tout. Et qui fait des espèces de livres qui sont pas vraiment qui sont des fictions, mais à la frontière du roman et de la poésie, avec une scansion de ouf. Il y en a un qui s'appelle une philosophie à coups de rein. Enfin, il y a toujours un truc, une réflexion sur la sensualité et la chair. non, c'est vachement bien en fait. J'avais découvert Guyotat, Marcel Moreau, même des gens comme Olivia Rosenthal que j'avais jamais lu avant. Qui d'autre de Lydie Salvaire, par exemple, que maintenant on connaît bien parce qu'elle a eu le Goncourt il y a quelques années, mais avant elle était quand même connue, mais moins. Et moi je la connaissais pas, j'étais tout jeune, donc je l'ai découverte comme ça. Après, et puis plein de choses de la poésie en fait contemporaine, Nathalie Quintane, Jean-Michel Espitalier, tout ça, en fait, j'ai découvert comme ça. Et parce que j'ai eu des mentors, entre guillemets, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bah, tu devrais lire ça t'intéressera. Et des choses qui. Ou voilà, par exemple, il y en a un là, qui est un peu caché. Un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Onuma Nomon. Personne ne le connaît, je crois. Il est toujours vivant aussi. Il a publié, je vais essayer de le sortir, mais alors là, je vais faire tomber une. Il faut que je casse toute une pile pour. Parce qu'il est tout en bas, c'est un très très gros livre qui doit faire genre 1000 pages. Qui s'appelle Quartier de On, ou On, O-N, et qui a été publié chez Vertical. Voilà. Et alors ça, Onuman, pouh, là, avec la poussière. Alors ça, c'est le problème de la bibliothèque aussi. Pourquoi les livres veulent nous tuer? Et bien parce qu'en fait, ils sont chargés de poussière, et après, moi qui suis un peu asthmatique, et bien c'est pas très bien pour moi. C'est un espèce de livre complètement fou, donc qui fait 1200 pages, et donc là je vais l'ouvrir, donc ça, je vais essayer d'expliquer ce qu'il y a dedans. Donc le sous-titre du livre s'appelle L'oncle, feu d'artifice et tête coupée, et en fait c'est l'exploration d'une vie, je crois que c'est dans les années 50-60 dans mon souvenir, exploration d'une vie d'un garçon qui grandit et qui a perdu à la naissance son. Qui a perdu quelques années après la naissance plutôt son frère jumeau, je crois. J'ai lu il y a genre, il y a au moins 12 ans, je crois, je ne me plus trop de souvenir. Et alors, je tourne les pages comme ça, tu peux voir toi aussi. Il y a beaucoup de dessins d'œuvres dans les marges, parce que Onuma Nemon, en fait, il a un travail pluridisciplinaire, parce que il est à la fois dessinateur, peintre, écrivain, du coup, et aussi il y a un CD où il y a des espèces de pièces sonores faites à partir du livre. Et en fait, sur Internet, si vous regardez, donc, allez voir Onuma Nemon, il y a tout un site sur lui où il y a mais des milliards et des milliards de documents, de pages, et tout. En fait, c'est quelqu'un qui, je pense, écrit en permanence. Et il a publié plusieurs autres livres qui sont aussi des gros livres comme ça. Et c'est des espèces d'odyssées de la parole et de l'identité. Alors, il y a des trucs très surréalistes. Mais c'est très, très difficilement compréhensible, mais très, très beau. Donc, faut se concentrer. En fait, il essaye de reprendre un héritage quand même hyper baudelairien, hyper fin de siècle, mais pas dans l'écriture, mais dans certaines images qui reviennent. Non, c'est vraiment très bien, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui passe à l'oral, en fait. Je crois que c'est une lecture très, très oculaire, en fait. Parce je pense qu'il y a des livres qui se lisent avec les oreilles et des livres qui se lisent avec les yeux. Et donc, ça fait partie des livres qui se lisent avec les yeux, parce que quand c'est dit, sauf si je pense l'auteur le lit et encore. Il faut être c'est le problème de la lecture à haute voix. Je pense que certains livres, il faut être dans une concentration extrême pour comprendre ce qu'on nous dit. Et ça se lit qu'avec les yeux. Et Onuma Nemon, évidemment, c'est un pseudonyme, il ne s'appelle pas comme ça dans la vraie vie. Je ne sais pas comment il s'appelle dans la vraie vie. Je crois qu'il est. Il y a eu un article il y a genre un an où il est sorti du bois. Genre, c'est moi. Personne ne voulait savoir qui c'était. Mais en fait, il avait publié à l'époque, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que des amis m'ont dit. Il avait publié des livres il y a 40 ans sous son vrai nom chez Gallimard, des trucs hyper classiques, et après il a eu une crise. Et du coup, il s'est mis à faire des choses un peu folles. Donc, c'est le genre de choses que j'ai découvertes comme ça, par des amis qui m'ont introduit dans la littérature contemporaine que je ne connaissais pas, et pour laquelle, évidemment, comme tout bon prétentieux cagneux, etc. Ben non, pas quand j'étais en Cagne, mais avant, on se dit, bah, en fait, à la littérature contemporaine, c'est vraiment nul, il n'y a rien de bien. Et en fait, bah non, il y a des choses vraiment vachement bien. C'est juste que, bah, évidemment, si on s'arrête à trois pauvres livres qu'on peut voir partout, sûr que. Ça aussi, par exemple, j'ai découvert à ce moment-là Jean-Jacques Schull. Tu connais Jean-Jacques Schull, toi? Oh merde, ça fait du bruit. Jean-Jacques Schull, t'as lu quoi, toi, de Schull? Absolument rien. T'as rien lu? Faut trouver que tu lises Rose Poussière, ou alors Telex numéro 1. Le premier que j'ai lu, c'est celui-là, c'est Rose Poussière. Une espèce de livre collage sur les années 70. J'ai oublié. C'est 68, je crois, non? Ça a paru quand? 72. Et donc sur la couverture, on voit il y a plusieurs images qui sont en fait, c'est marqué sur le rabat. Il y a Marlène Dietrich, il y a un cracheur de crapaud habillé par Schiaparelli, il y a un fait divers, et puis comment ça s'appelle, une devanture de chaussures orthopédiques. Et en fait, c'est la couverture fait partie du livre parce que c'est 6 ou 5, 4, 5 images sont décrites dans le livre, juxtaposées comme ça. Et en fait, il a une espèce de fascination pour l'artificiel. Et donc, il essaye de montrer en quoi l'esthétique des années 70, 70, enfin fin 60, début 70, a été marquée par la répétition, par la manufacture, par la reproduction technique de l'œuvre d'art. Ça, c'est quelqu'un qui a été très marqué par Warhol, clairement. Il a une phrase que j'adore. Il dit, c'est pas dans Rose Poussière, mais il le dit, je crois, dans un autre livre. Peut-être non, c'est dans Rose Poussière, je crois que c'est ça. Il dit, tout ce qui est inimitable est sans intérêt. Et en fait, il aime bien retourner les trucs comme ça. Parce qu'en fait, généralement, on dit tout ce qui est imitable n'a aucun intérêt, parce qu'on peut le refaire. Lui, en fait, non, il dit tout ce qui est inimitable n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la répétition et le fait qu'on refasse les choses indéfiniment. Jean-Jacques Schull, Rose Poussière. J'aimerais un jour parvenir à la morne platitude distante des catalogues de la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne, du comptoir commercial d'outillage, du manuel de synthèse ostéologique des messieurs Müller, Algauer, Villeneuger, ou des vitrines du magasin de pompes funèbres Borgnol, ces beaux poncifs. En attendant, loin du compte, j'ai recopié des rouleaux de telex hippique, France Soir avec toutes ses éditions, des paroles de chansons anglaises connues, des dialogues d'anciens films célèbres, des prospectus pharmaceutiques, des publicités de mode, lambeaux sur lesquels, furtivement, s'écrit le temps mieux que dans les œuvres. Le reste, hélas, est de moi, probablement. Où il y a dans un autre livre qui s'appelle Telex numéro 1, que j'aime beaucoup, il retourne le truc sur la mode, parce qu'il parle beaucoup de la mode aussi, du vêtement, du dandysme, etc., etc. Il y a un personnage d'ailleurs dans Rose Poussière qui s'appelle Frankenstein le dandy, que j'aime bien. Et dans Telex numéro 1, il retourne le truc où d'habitude on dit la qualité d'un vêtement, elle se juge au fait que elle met en valeur le corps qui est en dessous. En fait, elle flatte le corps qui est en dessous. Et en fait, lui, il dit non, en fait, c'est la qualité du corps de bien mettre en valeur le vêtement. Et en fait, c'est tout un jeu sur la superficialité, en fait. Pour lui, tout se passe à la surface. Et tout ce qui est intéressant se passe en surface. Et en fait, la profondeur n'existe pas. Et c'est notre condition moderne, en fait, selon lui. Mais voilà. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi à cette époque. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre à l'époque? Il y a peut-être encore des choses là que j'ai découvertes ou pas. Ça, c'est toi qui me l'as offert. Non, après, là, c'est des trucs que j'ai découvert récemment, que j'ai acheté récemment. Donc, c'est moins. Comment est-ce que tu retrouves ce que tu cherches? Eh bien, je ne retrouve pas. Aucun classement du tout. Alors, si, on va y venir, c'est un sujet épineux. Mais en particulier, là, je ne retrouve rien parce que, avant que tu arrives, j'ai rangé ma bibliothèque et j'ai fait la poussière un peu. Et le truc, c'est que du coup, j'ai déplacé toutes les piles et donc tout l'ordre que j'avais en tête avant a été bouleversé, donc je sais plus où et quoi que ce soit. Sinon, l'ordre, en fait, alors il y a un ordre qui est. Non, en fait, dans les trucs que j'ai déjà lus, il n'y a pas d'ordre. C'est classé pour. En fait, le seul ordre, c'est est-ce que ça va tomber ou pas. C'est ça l'ordre. Sauf pour 2-3 trucs qui sont au fond. Il y a 2 piles qui sont faites par les livres de Pierre Guyotat, dont j'ai déjà parlé, parce que j'avais fait mes mémoires sur lui quand j'étais étudiant, et en fait récemment j'ai dû écrire un article sur lui, et donc du coup j'ai dû relire, et donc tous les livres sont là parce que je savais que j'allais les consulter dans leur globalité, donc ils sont tous empilés là. Donc il y a tous les œuvres de Guyotat. À côté il y a un truc, il y a, non, ça c'est pas une pile de thématique. Et à côté, il y a une autre pile, celle-là, que j'utilise, parce que ça c'est en rapport avec le texte que j'écris, parce que j'essaie d'écrire un manuscrit en ce moment. Et du coup, je suis quelqu'un qui a besoin de pas de faire des recherches, mais de susciter des images, hein, qui vont me pousser à écrire. Et donc, en fait, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre un peu plus de la recherche aussi, quand même, pour ce texte-là. Et donc, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de livres sur Andy Warhol. Donc, ça rejoint Jean-Jacques Schull tout à l'heure, hein, qui d'ailleurs, oui, que j'utilise aussi d'ailleurs dans ce manuscrit. Donc, il y a la philosophie de A à B et vice-versa de Warhol. Il y a ses entretiens. Il y a les conversations de Warhol et Burroughs. Il y a ensuite quelque chose qui est lié plus ou moins à New York. Donc, l'histoire de New York. On ne peut pas faire plus. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est lié à la photographie. Et alors, autre chose sur New York, c'est l'autobiographie du photographe qui s'appelait Ouija, qui a. Alors, Ouija, c'était un photographe des années 30, 40, 50, je crois. Il a eu une carrière assez longue. Et il s'est spécialisé. Attends, je vais te montrer. Je sais pas s'il y a des recros dans ce livre. Il s'est spécialisé, en fait, dans les photos de faits divers. À l'époque, New York était une ville assez dangereuse. Je sais pas si on en voit. Je crois pas qu'on en voit beaucoup. Et donc, en fait, il visait des photos de crimes, tu vois. Donc, là, sur la photo, on voit un groupe de. C'est dans Little Italy, hein, donc, parce qu'il y a comment on appelle ça? Un écriteau, c'est ça comme ça qu'on appelle? Un écriteau d'un restaurant italien qui s'appelle O Sole Mio. Et donc il y a un groupe d'Italiens en costume et chapeau qui parlementent au bord d'une rue. Et au milieu de la rue, il y a un corps qui baigne dans son sang. Hein, je crois que c'est ça. Et donc il a fait beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu. Là, il y a un mort sous une table de restaurant. Et à l'époque, en fait, il y avait des meurtres un peu partout. Ah oui, ça, j'adore cette photo. Alors, c'est une photo qui s'appelle Leur premier meurtre. Et c'est une photo où Ouija prend une foule du point de vue du corps, en fait, en gros. Et c'est que des enfants, pratiquement, qui sont en train d'essayer de regarder avec une mine. Fasciné la scène de crime en fait. On voit pas la scène en question, mais on les voit que eux qui regardent la scène. Et j'adore cette photo parce qu'elle est terrifiante et en même temps elle est très belle, surtout elle. Et en fait, c'est un truc qu'on a un peu oublié parce que maintenant, si on a la chance d'être allé à New York, bah, c'est devenu une ville hyper sûre en fait. Enfin, quoique moi je me suis parfois promené à New York, il y avait des trucs de scènes de crime parce qu'il y a eu un meurtre la veille, mais bon, c'est quand même assez rare. Alors qu'à l'époque, genre tous les jours, enfin, à tous les endroits, toutes les rues, il y avait des crimes quoi. Et lui, il s'est spécialisé là-dedans, et j'aime beaucoup cette personnalité parce que c'était un espèce de mec hyper vulgos qui disait genre ouais moi j'en ai rien à foutre, je prends les corps des cadavres, je fais de l'argent et tout. Et en fait il se mettait en scène en tant que. Il a posé sur toutes ses photos ce truc, donc c'était Credit Photo by Ouija, The Famous. Et donc en fait il a fait sa gloire, il voulait être une star. C'est en fait c'est le premier un des premiers artistes qui a voulu profiter du malheur des autres, quoi. Et je l'adore. Et voilà. Donc, et après les autres livres de cette pile sont. Il y a une biographie de Warhol aussi. Il y a des livres sur la photo, il y a le livre de Walter Benjamin évidemment sur la photo, petite histoire de la photographie, il y a la chambre claire, parce qu'on est cagneux. Il y a le livre de Lyotard sur le peintre Monory, que j'aime beaucoup, qui est un de mes peintres préférés. D'ailleurs, j'ai une lettre de Monory, enfin une carte postale de Monory. Je te la montrais parce que j'ai vu qu'elle était tombée. En fait, je la montre parce que c'est. En fait, j'adore Monory. Il a genre 82, 98 ans. Il va bientôt mourir. Donc, je lui ai envoyé une lettre il y a quelques temps en trouvant son adresse sur les pages blanches. Donc, il habite à Cachan. Et du coup, je lui ai envoyé une lettre genre en mode je vous aime, je vous aime. Et donc, il m'a envoyé ça. Donc, il m'a envoyé une carte postale avec une reproduction d'un de ses tableaux. Et derrière, tu vois, il a dessiné il a toujours un chapeau comme ça. Donc, il a dessiné son petit chapeau. Il a marqué. Vive la vie et merci. Je sais, on n'arrive pas à lire parce que je pense qu'il est un petit peu. J'ai Jacques Monory. Voilà. Et donc je la garderai toute ma vie parce que je l'adore. J'aurais préféré qu'il m'envoie un tableau, hein, mais. À choisir. À choisir. Et donc voilà, et il y a d'autres choses sur la photo, il y a un truc sur... Il y a la théorie des fantômes que j'aime beaucoup, c'est un livre sur... C'est un livre de philo, publié aux Belles Lettres, je crois, ouais, de Sébastien Rongier, sur ce que c'est qu'un fantôme et le lien entre... En fait, c'est pas un truc occultiste, hein. C'est en fait, il essaie de montrer d'un point de vue philosophique et enfin, une archéologie conceptuelle, le lien du concept d'image avec le concept de fantôme. Qu'est-ce qu'on prend à un être quand on le photographie? Qu'est-ce qui reste d'un être? Est-ce que c'est pas là la définition moderne, l'image moderne par excellence du fantôme, la photo? Puisque quand on a une photo de quelqu'un mort, il est quand même toujours là. Donc c'est un revenant, donc c'est un fantôme. Bref, et j'adore ce livre, c'est vraiment génial. Et après, il y a des trucs d'archi. Un livre qui s'appelle Pour un art du gratte-ciel. Et un livre de Rem Koolhaas qui s'appelle Junk Space, que j'adore sur la ville postmoderne. Et donc ça, c'est ce qui m'aide en ce moment à écrire. Il y a un livre sur. Alors, comment prononce-t-on son nom? Je ne sais jamais. Sur le photographe Edward Muybridge, je pense, qui était le premier à avoir fait, tu sais, le découpage du mouvement en photo, et ce qu'a fait Marais en France, mais lui, il l'a fait avant. Et ça me. Ça me. J'en ai besoin parce que je travaille sur la photo, en fait. Donc j'aime beaucoup la photo. Pour moi, la photo, c'est très important. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres dans les livres d'art, j'ai beaucoup de livres de photos, en fait, on les voit pas forcément là. Mais c'est très important parce qu'en fait, pour moi, ça a parfois la même importance pour moi que les livres. C'est-à-dire que la photo suscite en moi des fictions, et à peu près comme pourraient le faire certaines phrases. Et du coup, c'est quelque chose vers lequel en fait, je me rends compte quand je suis très déprimé, par exemple, ou quand je suis très triste, ou quand je suis très dans des états de tristesse particuliers, j'arrive pas à lire, comme beaucoup de. Enfin, je pense que je suis pas le seul, ou même pas à regarder. J'arrive parfois à regarder des films, mais pas tant que ça, alors que j'aime beaucoup me réfugier dans les photos. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'apporte un réconfort particulier. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'aime beaucoup regarder les photos. C'est la seule chose que je peux faire, c'est regarder les photos. Pendant longtemps, je regarde la même photo. Et au point de m'être d'être absorbé par elle. Et ça fait partie pour moi des choses qui comptent et qui en fait font partie de ma bibliothèque à moi. Enfin, pas une bibliothèque, mais une médiathèque personnelle, on va dire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la photo. Andy Warhol, ma philosophie de A à B et vice-versa. Les histoires d'amour sont trop prenantes et elles n'en valent pas la peine. Mais si, pour une quelconque raison, vous trouvez qu'elles en valent la peine, vous devriez alors y consacrer la même dose de temps et d'énergie que l'autre. En d'autres termes, je te paierai si tu me paies. Les gens ont tellement de problèmes avec l'amour, toujours à la recherche de celui ou de celle qui sera leur via veneto, leur soufflet qui ne retombera pas. Il devrait y avoir des leçons d'amour au cours préparatoire. Il devrait y avoir des leçons de beauté, d'amour et de sexe. L'amour étant le cours principal. J'ai toujours pensé qu'il faudrait montrer aux gosses comment on fait l'amour et leur dire et leur prouver une bonne fois pour toutes que ce n'est rien. Mais ils ne veulent pas le faire parce que l'amour et le sexe sont de bonnes affaires. Et puis, je me dis que c'est peut-être aussi bien que personne ne vous sorte de la pénombre, parce que si on connaissait toute l'histoire, on n'aurait plus rien à rêver ni à imaginer jusqu'à la fin de ses jours, et on pourrait devenir fou à force de n'avoir rien à penser, surtout maintenant que la vie s'allonge et qu'il reste davantage de temps après la puberté pour la vie sexuelle. La puberté ne m'a laissé aucun grand souvenir. J'en ai sans doute raté une bonne partie quand j'étais malade au lit avec ma poupée Charlie McCarthy, tout comme j'ai raté Blanche-Neige. Je n'ai pas vu Blanche-Neige avant l'âge de 45 ans, quand je suis allé avec Roman Polanski au Lincoln Center. C'était sûrement une bonne chose que j'ai attendue, car je ne peux pas imaginer que ça ait pu être aussi passionnant à l'époque qu'alors. J'en tirais l'idée qu'au lieu d'avertir les enfants très jeunes sur les mécanismes et le néant du sexe, il serait bien plus intéressant de leur révéler brutalement tous les détails à l'âge de 40 ans. Vous marcheriez dans la rue avec un ami qui vient d'atteindre la quarantaine, balayeriez l'histoire de fleurs et de papillons, attendriez que le premier choc d'apprendre où va quoi se passe, et puis vous lui expliqueriez patiemment le reste, et soudain, à 40 ans, leur vie prendra un nouveau sens. Nous devrions rester bébés bien plus longtemps, maintenant que nous vivons plus longtemps. C'est la perspective d'une vie plus longue qui rejette toutes les vieilles valeurs et leur application par-dessus les moulins. Quand les gens découvraient le sexe à 15 ans et mouraient à 35, ils avaient évidemment moins de problèmes que ceux d'aujourd'hui qui découvrent le sexe vers 8 ans et vivent jusqu'à 80 ans. C'est bien long pour manier un seul concept rasant. Et sinon, il n'y a pas d'autre ordre à part ces deux piles spéciales pour l'instant. Le reste, c'est en fait généralement, je les empile les uns sur les autres au fur et à mesure de leur lecture. C'est assez con, hein. Sur ma table de chevet, enfin ma palette qui est ma table de chevet, il y a des manuscrits que je dois lire. Parce que je dois lire des manuscrits, donc ils sont là. Ce qui ne me les fait pas lire forcément non plus. En fait, je les vois, mais ça me culpabilise, c'est juste que c'est la seule chose que je fais. Et sinon, c'est les livres que j'ai envie de lire en ce moment. Mais comme tu en vois, il y en a énormément. D'ailleurs, il y a Pétersbourg sur la pile qu'on doit lire tous les deux, là, tu vois. Et qu'on s'est dit qu'on devait lire et qu'en fait, on n'a pas lu tout, ni toi ni moi, et qu'on devrait s'y mettre. Mais tu vois, il y a Molloy, là, de Beckett. Parce qu'en fait, j'ai un gros problème avec Molloy. Parce que je me dis, en fait, j'aime bien Beckett. Mais je me dis, j'ai toujours pas lu la trilogie de Beckett. Et donc, en fait, est-ce qu'on est vraiment un vrai lecteur de Beckett si on n'a pas lu la trilogie? Je ne sais pas. En même temps, qu'est-ce que c'est un vrai lecteur de Beckett? Je ne sais pas. Un lecteur qui s'est suicidé, peut-être. Et donc, je me suis dit, bon, c'est un peu con, maintenant, remets-toi à Molloy. J'ai essayé déjà plusieurs fois. Et en fait, j'ai encore réessayé genre la semaine dernière. Ça m'emmerde. J'arrive pas. Non, mais je t'assure. Et en fait, et alors que j'aime beaucoup, genre, Mercier et Camier, tu vois. Tu l'as lu, Mercier et Camier? Non. Je crois qu'ils sont sur un vélo. Ben, j'ai oublié, enfin, je sais plus trop, ça va. Je l'avais lu. Ils font aussi du vélo. Ouais. Mais ils font toujours du vélo, en fait, ils tournent en rond. Mais non, et Molloy, tu vois, Molloy. Ben, en fait, je trouve ça. En fait, je trouve que ça manque de rythme. Pas de rythme. Non, pas de rythme de structure. Hein. Je veux dire, sa phrase, pour moi, elle est pas assez architecturée, quoi. Donc, en fait, j'ai du mal à la lire. J'ai du mal à lire sa phrase parce que je trouve qu'elle est pas cadencée comme il faut. En tout cas, comme j'aimerais qu'elle soit, mais ça, il y peut rien, hein. Ça, c'est mon goût. Hein. Mais en fait, et du coup, ça m'ennuie terriblement, et ses blagues me font pas rire. Et puis en plus, ses blagues sur le paix et le caca, à un moment, t'es là, genre, tu t'en souviens ou pas? À toutes les pages, il fait des trucs sur les paix et les caca, et moi, je peux pas, tu vois, ça me saoule. Donc, Molloy, j'arrive pas. Plaisanterie universelle. Bah oui, ça marche pour tout le monde, mais c'est un peu agaçant, tu vois, à force, on me dit merde. Et juste en dessous de Molloy, il y a Le Bleu du Ciel, parce que je me dis, c'est pareil, comment tu peux faire genre t'es quelqu'un de sérieux si t'as pas lu Bataille? Bon, j'ai lu L'Érotisme et j'ai lu Madame Edwarda et L'Histoire de l'œil et tout ça, mais Le Bleu du Ciel, je me suis dit, bon, bah, je ne l'ai jamais lu, mais en fait, en fait, j'aime pas Bataille, non plus, tu vois. Et en dessous, en fait, c'est la trilogie, là, tu vois, en dessous, pas juste en dessous, mais juste en dessous, il y a Blanchot. Alors là, c'est encore une autre paire de manches. C'est La Tante l'oublie, je crois, ouais. Blanchot, alors Blanchot, bah Blanchot, je me dis, en fait, quand on veut faire l'intelligent, il faut aimer Blanchot, tu vois. Et trucs et tout, machin. Donc en fait, quand j'étais en cagne, j'avais 18 ans, donc j'ai essayé de lire Thomas l'Obscur, laisse tomber, quoi. Je me suis arrêté, genre, page 3, parce que je crois que ça commence. Bah, c'est tout ce que j'ai lu, donc ça va être là le début, je pense. Ça commence par une. Tu l'as lu ou pas? Ça commence par une scène où il nage dans la mer, et en fait déjà j'avais pas compris qu'il nageait dans la mer, donc j'étais la merde, enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc après j'avais arrêté parce que je trouvais ça trop complexe. J'avais lu ses essais, donc qui étaient aussi très complexes, mais en fait ça me plaisait plus parce que au moins il prétendait pas raconter une histoire, donc je me disais bon bah ça va, en fait il a une... Et dans comment ça s'appelle son livre hyper connu là sur l'espace littéraire, oui, dans l'espace littéraire, bon, c'est super chiant, il y a des trucs que tu te dis, bon, arrête de t'écouter penser, en fait, tu penses en rond, quoi, donc, ça m'a... enfin, le truc côté très dialectique qui m'agace un peu parfois, mais il y a, au milieu de ça, genre, 20 pages magnifiques sur le mythe d'Orphée, quoi, et là, tu te dis, ah, enfin, un truc génial, et là, et en fait, c'est tellement beau, ce passage, que c'est un essai, hein, c'est, il y a de la pensée, enfin, évidemment, c'est de la théorie littéraire, la pensée sur la question de l'artiste, la mort, machin, mais c'est tellement beau, tellement bien écrit que en fait c'est presque, enfin c'est pour moi un poème, en fait c'est un magnifique poème, ce truc. Et donc je me suis dit bon bah là en fait Blanchot je peux comprendre, enfin là il y a un truc, tu vois. Et après donc j'ai laissé ça pendant quelques années, puis je me dis maintenant que je lisais plus trop de classiques, je me suis dit faut, de temps en temps faut quand même que tu relises des classiques. Donc je me suis dit bon je vais lire au moins des classiques du 20e pour me laver un peu la tête de tout ce que je lis de toute la journée et tout ça. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre l'ancho, c'est le moment, maintenant t'es grand, t'as grandi, t'as mûri, tu peux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre mes années de cagne et maintenant, bah, déjà, je suis devenu débile. Donc déjà, je peux plus lire, même les livres que j'avais avant, je comprends plus, tu vois. Parfois, je relis des dissertations que j'avais faites à l'époque, je suis genre, mais en fait, c'est quoi ça? Je ne comprends pas ce que j'ai voulu dire. Et apparemment, ça avait un sens, hein. Et donc, du coup, j'ai acheté La Tente l'oubli parce qu'on m'a dit. Une personne de notre connaissance d'ailleurs sur Twitter m'a conseillé de lire La Tante l'oublie. Et en même temps, il n'a pas tort parce qu'il y a des phrases magnifiques, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est tellement Blanchot cette phrase. Ça, pour moi, bon, on va d'abord la lire et après tu me diras ce que t'en penses. Il avait souvent eu l'impression qu'elle parlait, mais qu'elle ne parlait pas encore. Il attendait donc. Il était enfermé avec elle dans le grand cercle mouvant de l'attente. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi toi pour toi? Parce que moi je ne comprends pas. Hein. Dans le grand cercle mouvant, en fait il est obsédé par l'attente du retour de quelque chose, mais de quoi? Tu vois, c'est ça qui me fait. Et moi je n'aime pas ne pas comprendre de quoi il est question. Tu vois. Bah je pense que c'est assez évident qu'il est dépressif. Hein. Mais ça devrait me plaire du coup. Non mais. Enfin je sais pas, mais quand j'entends ça, enfin moi ça m'évoque, alors peut-être à tort, mais ce serait que les mots passent. Mais c'est comme si rien n'avançait. Il attend une vraie parole, en fait. Oui. Mais c'est quoi la vraie parole, tu vois? Bah, c'est quelque chose qui sort de son marasme. Tu penses? Ou c'est quelque chose d'encore plus profond? Parce que je pense que pour lui, c'est encore plus profond. Genre, c'est un truc, une révélation, mais en fait, on ne sait pas quoi. Et je pense que lui-même ne le sait pas. Bah, alors, si lui-même ne le sait pas, personne ne le sait. C'est pour ça que c'est super chiant. Tu vois, c'est pour ça que ça me frustre. Ça me frustre parce que je sens qu'il y a un truc, mais je suis pas sûr que lui-même savait ce qu'il y avait, tu vois? Et en fait, j'aimerais bien faire comme Marguerite Duras, Sartre n'a jamais écrit, tu sais, dans Apostrophe, tu te souviens de ça? Elle fait, Sartre n'est pas un écrivain, tu sais, avec ça, moi je sais pas faire Marguerite Duras, mais il n'a jamais écrit. Et alors il dit, mais qui est-ce qui a écrit, par exemple? Blanchot a écrit. Oui, c'était bien ça, Blanchot, oui. Et après, il fait, si Sartre a écrit, les situations, oui, là, c'était bien, oui. Et là, Bataille a écrit. Et donc, en fait, je me dis, mais en fait, moi j'aimerais bien être comme Duras et comprendre pourquoi Bataille et Blanchot, c'est important. Mais tu vois, donc en fait, j'ai un problème avec Blanchot, avec Bataille, sauf l'érotisme que je trouve ça très bien et tout machin. Mais après, en fait, je me rends compte qu'en fait, je crois que je suis un peu bête. Je suis un lecteur bête. Enfin, ou je suis devenu un lecteur bête, ce qui est peut-être autre chose. Hein. Et donc, du coup, voilà. Par exemple, Proust. T'aimes bien Proust, toi? Oui. Oui, moi aussi. Non, je te rassure, je suis pas en train de dire que Proust c'est de la merde. Mais tu vois, Proust, je l'ai lu quand j'avais 18 ans. Ou 19 ans, je sais plus. En un été. Le tout. Et pendant 3-4 ans, ça a été mon livre préféré. Mes livres préférés. Mon œuvre préférée. Mon auteur. C'était ma vie. Et vraiment, enfin, je le relisais, j'adorais, je connaissais par cœur. T'en avais un préféré de volume? Le Temps retrouvé. Enfin, ça dépend à quel moment. Ce que j'aime beaucoup dans Le Temps retrouvé, c'est qu'en fait, c'est un livre, genre il fait 400 pages, je crois, un truc comme ça. C'est un livre où sur 400 pages, t'as au moins 200 pages de théorie littéraire et t'as pas l'impression de lire la théorie littéraire. C'est génial, tu vois. C'est quand même super d'avoir réussi ça. Tout en disant, genre, avec cette citation qui est complètement bullshit parce qu'il fait exactement l'inverse. Il dit, genre, un livre dans lequel on garde des théories esthétiques, c'est comme un. Mettre un bibelot sur chez soi en n'ayant pas enlevé l'étiquette. Et t'es là, bah en fait tu fais exactement ça, donc d'où. Bref. Et donc j'adorais ce livre pour celui-là. J'ai beaucoup aimé aussi Sodome et Gomorre, en particulier pour la scène de séduction, évidemment, où ils se tournent autour comme des bourdons et machin et la fleur là. Et j'aime bien aussi, mais en fait ce que j'aime beaucoup chez Proust, c'est ce que les gens. Parce que tu sais, on a peur en fait parfois de certains auteurs. Moi j'ai très peur des auteurs russes. Les Russes me font peur, j'ai jamais lu les grands Russes parce qu'ils me terrifient trop. Je me dis, c'est trop, je vais être trop bête pour comprendre. Mais Proust, par exemple, les gens ils ont peur, ils se disent ça va être chiant et tout. Alors en fait, Proust, c'est hyper drôle en vrai quand il se moque des gens, quand il se moque de Madame Verdurin et tout ça, tout ça. Et de Cottard, le docteur Cottard, il est tellement bête. Donc j'adore, tu vois. Mais et donc j'ai adoré, ça a vraiment été mes livres de vie quoi. Et en fait, donc vers 25 ans. Je me suis dit, tiens, un jour j'étais chez moi et tout, enfin chez mes parents, et je me dis, bah ah, tiens, si je relisais du côté de chez Swann, tu vois, ça fait longtemps, ouais. Hein. Et en fait, je l'ai ouvert, j'ai fait, non, mais pourquoi? mais en fait ça va pas la tête, pourquoi t'as... Je me dis, mais pourquoi t'as adoré ce livre, quoi? Et d'un seul coup, c'est comme si le livre était devenu mort dans mes mains, tu vois. Il n'y avait plus ce lien d'intimité, de proximité, d'amour entre le livre et moi. Enfin, non pas que le livre m'aime, mais moi je l'aimais, tu vois. Bah, je pense qu'aussi le livre te désire aussi à un moment. Enfin, il désire que ce soit toi. Enfin, c'est un truc un peu mystique, mais... Et donc, il n'y avait pas cette connexion. Et j'avais l'impression d'avoir, tu sais, comme une espèce de peau morte, quoi, entre les mains. Et je me suis dit, en fait, bah, peut-être que Proust, il faut le lire à 20 ans et à 50 ans. Mais pas entre les deux, tu vois. Donc, tu le reliras bientôt, tu me diras si toi, ça te fait cet effet. En fait, parce qu'à 19 ans et 20 ans, en fait, clairement, généralement, quand tu es amoureux, t'es clairement zinzin comme dans Proust, tu vois. Donc, t'es complètement jaloux, t'es complètement masochiste. Enfin, il y a tout qui va, quoi. Donc, en fait, c'est parfait pour toi. Parce que tu te dis, c'est tellement ma vie. Et quand t'as 50 ans, tu fais, ah, en fait, il est vraiment tellement stupide. Et là, tu vois autre chose, tu vois. Et c'est comme ça un peu que j'avais lu aussi Madame Bovary, sauf que là, j'ai jamais cessé de l'aimer, tu vois. Au début, quand j'avais 17 ans, pour moi, en fait, je voyais pas l'ironie, tu vois. Je me disais, ah, c'est tellement beau cette histoire. Alors qu'en fait, il se fout de sa gueule, tu vois. Et maintenant que j'ai un peu vieilli, enfin, pas non plus des masses, mais. J'ai pris un peu d'âge par rapport quand même à mes 17 ans. Et ben maintenant je me moque d'elle, même si je l'aime toujours. Et c'est ça qui est fort chez Flaubert, c'est qu'en fait il se moque, mais en même temps on pleure avec eux, tu vois. Il est toujours dans l'empathie, même quand il est dans l'ironie. Donc ça, c'est quand même le truc que personne d'autre ne sait faire aussi bien, ben, je pense. À moins que tu aies des noms. Rien ne me vient. Non, tu vois. Donc non, c'est le seul à pouvoir faire ça aussi bien. Joël Baquet. La mer, c'est rien du tout. Mon frère Paul était plus grand que ma sœur Valérie, pourtant très grande pour une fille sans chaussures à talons hauts et bien plus âgée que lui. On aurait sans doute pu voir notre lien de parenté si elle n'avait pas été très belle et moi normale. Quand j'ai su qu'elle était miraculeusement belle, j'ai demandé s'il fallait la vouvoyer. Je la regardais vernir ses ongles avec un pinceau minuscule. Des boulettes de coton tenaient séparées ses orteils pendant les phases de vernissage et de séchage. Le coton entre les orteils était un privilège féminin, comme les yeux faits, les rires spéciaux et les cheveux propres. Sa chambre sentait le solvant du vernis à ongles, c'était la seule pièce où les mouches n'entraient pas. Mon père criait « Elle se drogue à l'éther sûrement, et toi, bien sûr, tu ne dis rien. » Ma mère savait ne dire rien. Elle ne nous a jamais parlé de la beauté du monde, ni raconté des histoires pour nous endormir dans les rêves. Après une dispute, il lui arrivait d'emporter Paul dans la nuit en pleurant. Mon père nous disait, à Valérie et à moi, « Votre mère, c'est rien du tout, elle fait son cinéma. »« Votre mère, c'est rien du tout, c'est la tramontane, ça les rend folles les femmes, variantes. » Souvent, elle disait, « Je vais me reprendre un cachet fervescent. » Plus mon père criait, plus elle s'enfonçait dans la fervescence. Son malheur conjugal n'était pas soluble dans l'aspirine, même effervescente. J'ignore si j'ai été plutôt heureux ou plutôt pas heureux. Dans sa chambre, seule ou avec Martine, ma sœur écoutait des disques tout en feuilletant des magazines allégés en texte, mais pas en photo. Les tubes du hit-parade tournaient à 45 tours par minute sur le tourne-disque Radiola, dont le couvercle faisait aussi haut-parleur. L'aiguille amassait en pelote la poussière des sillons du vinyle. De temps à autre, Valérie nettoyait la tête de lecture avec une brosse encore plus petite que son pinceau à vernis. J'ai compris qu'un pauvre devenu riche ne s'appelle pas un ancien pauvre, mais un nouveau riche. Acheter du fromage à la coupe était aussi inimaginable que boire du thé ou sourire à un étranger. Les films porno regardés sans décodeur laissait beaucoup trop de place à l'imagination. Valérie était belle dans toutes les langues. Ses yeux noyaient le ciel dans la mer. Elle était ambidextre, je croyais donc qu'elle savait nager sous l'eau sans respirer. Moi, je suis droitier du haut et gaucher du bas. C'est compliqué, mais seulement si on cherche à comprendre. Une visite au Louvre m'apprit que j'avais des orteils classiques. Celui à côté du gros orteil dépasse les autres, comme sur les statues grecques. Un vieil homme était revenu à lui après mon massage cardiaque. J'ai vu alors ce numéro tatoué sur son poignet où je surveillais le pouls. C'est comme si j'avais ressuscité un déjà ressuscité. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant, Bernard? c'est un livre vachement bien, qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Vers la nuit de John Hull, Hull, qui est publié aux éditions du Sous-Sol. Et c'est un. Très, enfin, c'est très très beau. C'est un journal de un monsieur qui était prof, je crois, de fac, je sais plus quelle matière, j'ai déjà oublié, putain. J'ai une mémoire très très lacunaire des livres, en fait. Je sais que je les aime, je sais que je les ai adorés, je sais comment je les ai lus, je sais dans quel contexte, je me revois les lire, mais j'ai oublié de quoi ça parle, en fait. Et Ça lui. m'arrive souvent, Non, ça. mais tu vois, en fait, et ça, c'est un autre truc très proustien, parce que Proust, tu sais, dans les journées de lecture, il dit, ou ces trucs sur la lecture, il dit, en fait, ce dont on se souvient des livres qu'on a lus, c'est pas les livres, c'est en fait notre état en les lisant. Et qu'on les a lus quand on était petit, sous la couverture, machin, gna gna, ou moi, que j'ai lu Madame Bovary dans mon hamac, ou que moi, je les ai lus bah, en ce moment, sur mon lit, ou à mon bureau, et je sais où je les ai lus. Donc ça, je sais que je l'ai lu ici, là où tu es assis en ce moment. Et donc c'est un journal d'un monsieur qui était prof de fac et je ne sais plus de quelle matière. Souvent un truc genre hyper intellectuel, mais je sais plus quoi. Si, il était professeur de théologie. Voilà. J'étais là. Peut-être les pires. Et en fait, il avait une maladie des yeux. Et en fait, c'est le journal de sa perte de la vue, la progression de la cécité. Et après, la majorité du journal, d'ailleurs, a été dictée, je crois. Il était aveugle et en fait, il décrit ce que c'est pour des gens qui nous voyons, en fait, nous, on voit. Il arrive à nous décrire de manière tellement précise, en fait, ce que c'est l'expérience de la cécité et comment, en fait, la cécité n'est pas le noir. C'est plein d'autres. Enfin, on ne voit pas le noir quand on est aveugle. On voit de manière différente. On voit des trucs brouillés, mais ce n'est pas le noir absolu. Et comment, en fait, il fait pour se repérer, des choses très concrètes de la vie en fait. Qu'est-ce que ça signifie le fait d'être aveugle? Et en fait, il avait des enfants avant d'être aveugle. Il a eu un enfant après. Il a jamais vu enfin, il a jamais vu le visage de sa fille ou de son fils, le dernier. Donc, qu'est-ce que ça change dans la relation qu'il a avec eux? Et c'est vraiment très très beau. Enfin, c'est un texte que j'ai adoré, quoi. C'est vraiment magnifique. Et je le conseille à tout le monde parce que c'est un très très beau texte. Donc, Vers la nuit, ça s'appelle, de John Hull. Et voilà, mais après, tu vois, c'est pas forcément les livres qui ont compté le plus pour moi, ces livres, vu que c'est les livres que j'ai lus cette année. Donc, ou que il y en a certains qui datent de plus longtemps, mais tu vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est beaucoup les trucs contemporains, en fait. Je vois quand même Nietzsche. Ouais. Ouais, mais en fait, je suis incapable de parler de Nietzsche, en vrai. Parce que tu vois, c'est le gars savoir, mais en fait, j'ai jamais lu. Enfin, celui-là, je l'ai jamais vraiment lu Nietzsche, en fait. J'ai lu, j'ai feuilleté, quoi. Mais en fait. Je pense que tu serais mieux, plus capable de parler que moi. Et moi, je crois que j'ai dû lire dans 3 pages, tu vois. On va regarder. Alors, le Gai Savoir, dans la traduction de Patrick Watling, que j'ai donc. Ah, c'est en 2008, pardon. C'est pas récent, hein. C'était quand j'étais en prépa. Ah oui, je sais, j'avais dû lire, je sais pourquoi. Donc, j'avais coché des choses. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir lu ce livre. Mais qu'est-ce que j'ai coché là? Ah oui, toi aussi tu replis des bouts de page. Alors moi j'ai une technique, je n'ai pas de marque-page, je déteste ça. Je trouve ça barbare. Donc, non, en fait parce que j'ai aucun respect pour les livres. Je déteste les gens. Alors moi, les gens qui m'agacent le plus dans la vie, c'est les gens qui sont là genre, mon Dieu, je vais tendre le dos du livre et tout ça. Je le déteste parce qu'en fait je vois pas pourquoi. Donc en fait j'ai aucun respect pour le livre. Donc je les abîme. Tu vois, il y en a beaucoup qui sont abîmés. Et puis, alors mon code, c'est quand je lis, pour marquer ma page, je coche en haut, pour savoir où j'en suis. Et dès qu'il y a une page qui me plaît, je coche en bas. Et quand, par malheur, les 2 pages qui se suivent me plaisent toutes les deux, et ben je replie. Donc en fait, j'ai fait comme ça, et après je replie. Donc ça fait une espèce de petit accordéon. Et puis, comme ça, je sais que j'ai aimé les 2 pages. Après, le truc, c'est que je sais que je le fais à chaque fois, mais je regarde jamais les pages que j'ai cochées. Donc, en fait. Mais là, c'est un truc à part. C'est comme c'est de la philo. J'avais dû mettre. J'avais, tu vois, j'avais dû souligner des choses parce que ça devait être intelligent. Ouais, c'est Nietzsche. Le prochain fait l'éloge du désintéressement parce qu'il en tire profit. C'est écrit en. C'était un peu. Je le refais parce que il en tire profit, c'est en italique. Donc, c'est le prochain, donc notre prochain. Fait l'éloge du désintéressement parce qu'il en tire profit! C'est un peu comme ça qu'on doit le lire. Et en plus, il y a un point d'exclamation, tu vois. Mais c'est vrai, c'est ça. T'es d'accord avec moi, c'est comme ça qu'il faut, ça, il faut le lire. Ça fait un peu Papy Nietzsche. Un peu quand même, tu vois. Alors, par contre, j'aime beaucoup aussi, on devrait faire ça, un truc très drôle, tu dois demander à quelqu'un de lire les notes qu'il prend dans les marges des livres. Parce que c'est tellement drôle parfois. Bah, je peux te demander à toi. Bah, attends, mais il faut que je trouve Madame Bovary. Ah, il est là-bas. Ce que j'adore dans l'expérience de la relecture, bon, c'est évidemment relire le livre, mais c'est aussi relire les choses que j'ai écrites sur les livres. Et comment j'avais perçu le truc, tu vois. Parce que, en fait, parfois je mets des trucs genre, oh, trop mignon et tout. Enfin, je mets pas comme ça, hein, je mets un petit cœur ou tout comme ça, parce que je mets aussi des cœurs. Et en fait, je me rends compte que des années après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu trouver de beau dans cette phrase, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Et Madame Bovary, c'est le livre que j'ai le plus annoté. Donc en fait, celui-ci, bon là c'est une préface, donc il n'y a rien dessus, parce que je lis pas les préfaces, je suis hors de ça. Je trouve que ça, c'est le truc qui te... C'est vraiment les gens qui veulent te gâcher ta lecture, quoi. Mais une postface à la limite, on le met après, tu vois. Mais non seulement ils te le gâchent parce qu'ils te racontent toute l'histoire, mais en plus ils veulent montrer qu'ils sont intelligents, et généralement pour dire des choses que tu comprends très bien quand tu le lis, quoi. Je pense que c'est pour expliquer Joyce, tu vois. Faulkner. Hein. Ou Faulkner. Mais oh, quoi que Faulkner, enfin ça dépend lesquels, mais... Le bruit et la fureur. Ah, attends, je sais que t'as pas aimé le bruit et la fureur. Mais... Si, si, j'ai beaucoup aimé le bruit et la fureur. Hein. Mais sans la préface, est-ce que j'aurais compris aussi bien Je pense que, en fait, c'est parce que. Oui, je pense que t'aurais compris aussi bien, en fait, en vrai. C'est juste que tu. On a peur, tu vois, c'est normal. Enfin, moi, je suis un lecteur peureux, hein, donc j'ai toujours peur de pas comprendre. Mais en même temps, je me rends compte que. Généralement, les béquilles qu'on nous propose, qui peuvent être pratiques, on se les construit quand même, en fait, quand on lit. Je pense, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Par exemple, je vais lire une note comme ça. Je vais lire une note, par exemple, que j'ai prise sur Madame Bovary dans les premières pages. J'ai noté. C'est peut-être complètement bullshit, sans aucun sens, mais c'est ce que j'ai noté. Donc non, mais tu as noté. Donc... J'ai mis burlesque pré-chaplinien. D'accord. C'est aussi pour ça que Charles nous émeut autant. Il a beau être un imbécile. Il a quelque chose de la condition humaine car il est trop limité pour un monde trop grand. Voilà. Tu sais à quelle relecture t'as marqué ça? Non, ça j'aurais le noté. Mais j'ai changé, quand j'ai beaucoup de relectures, je change de stylo, de couleur de stylo pour savoir que c'est pas la même. Tu vois? Mais alors là, c'est sur Charles Bovary. Ah, Charles Bovary est un être sans style. Il n'a pas, entre guillemets, le genre. Il est mal habillé. Il n'a pas non plus de style dans son intelligence, sans brillant. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai mis. Il y a des trucs plus drôles, hein, parce que ça, c'est vraiment des trucs. Tout est mouvement vers plus de trivia. Bon, ça, c'est pas intéressant. Tu vois, parfois, je mets ça, c'est des petits smileys pour dire que c'est drôle. Tu vois, c'est un smiley qui rigole. Et alors, est-ce que c'est vraiment drôle, en fait? Bah non, c'est pas drôle. Je vais te la lire, mais c'est peut-être drôle, mais j'ai oublié pourquoi c'est drôle. Donc c'est la description de Charles, c'est l'enfance de Charles Bovary et ça. C'était un garçon de tempérament modéré qui jouait au récréation... Ah oui, si, je comprends pourquoi c'est drôle. Bon, je recommence. C'était un garçon de tempérament modéré qui jouait aux récréations, travaillait à l'étude, écoutant en classe, dormant bien au dortoir, mangeant bien au réfectoire. En fait, parce qu'il est juste un teubé, quoi. C'est pour ça que c'est pas... Le mec, il a juste aucun intérêt, en vrai. Ah, ça c'est vraiment drôle. C'est un autre où j'ai mis un petit smiley, que j'aime beaucoup cette phrase. Il maigrit, sa taille s'allongea et sa figure prit une sorte d'expression dolente qui la rendit presque intéressante. C'est trop bien, hein? Presque intéressante. C'est comme quand Saint-Simon, tu vois, j'ai mis Saint-Simon d'ailleurs, j'ai marqué Saint-Simon, c'est parce que pareil, ça me fait penser à une phrase de Saint-Simon dans les mémoires, où à un moment il aimait bien ce genre de truc, genre le presque, Saint-Simon, tu vois, c'est presque, tout est dans le fiel du presque, tu vois. Et à un moment, il fait le portrait, un des portraits qu'il fait de Louis XIV, il dit c'était un truc genre, c'était un bon roi, il avait un esprit, bah, c'est ça, il avait un esprit au-delà du médiocre. Donc en fait, ça veut dire genre juste, il est un peu moyen, mais pas trop, quoi, tu vois. Juste un tout petit peu au-dessus de la moyenne, quoi. Au-delà du médiocre, et il était un bon roi, il aurait même pu être un très bon roi, genre s'il avait voulu, et s'il n'avait pas été idiot, en fait, en gros, c'est ça. Donc j'adore, Saint-Simon c'est vraiment la pire langue de vipère de son siècle, quoi. Tu vois là, j'ai mis beaucoup de la Bruyère dans les portraits de Flaubert. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors là tu vois, il y a plusieurs époques, tu vois là. Donc là à l'époque j'étais genre, ça devait être en cagne parce que c'était un truc genre, je faisais des trucs de juste purement formel, genre situation, narrateur, personnage, ironie, tu vois. Donc on s'en fiche. Et moi, après, j'ai mis étudier tempo du roman, description, ellipse, bon, d'accord. Situation, bon, en fait, c'est vraiment les trucs. En fait, il y a plein de blagues que j'adore. Enfin, en fait, j'adore ce livre. Hein. C'est juste le livre le plus drôle du monde et en même temps le plus émouvant. Parce qu'en fait, il y a trois Madame Bovary aussi. Ça, on oublie. Hein. Ça, c'est un truc très intéressant. Parce que le livre s'appelle Madame Bovary. D'accord. On sait tous que Madame Bovary, c'est Emma Bovary. Mm-hmm. Comme diraient les bolosses des belles lettres. Mais en fait, dans le livre, il y a trois Madame Bovary. La première Madame Bovary, c'est la mère de Charles Bovary. Et il y a une deuxième Madame Bovary, qui est la première femme de Charles. On oublie qu'il a eu une première femme avant, qui est une espèce d'horrible dame. Et puis, à un moment, il dit genre, je sais plus, puis, ah, elle était morte, il n'y pensa plus, enfin, un truc comme ça. Et en fait, c'est horrible, parce qu'elle est horrible, elle est méchante et tout. Et voilà. Alors, il y avait un truc où j'avais écrit que Madame Bovary est un homme, mais... Alors voilà, et en fait, le truc, c'est que dans le couple Madame Bovary, c'est l'homme, et Charles Bovary, c'est la femme, selon les critères et rôles sociaux de l'époque, et enfin, et même d'ailleurs tout maintenant, c'est-à-dire qu'il est tout le temps décrit comme avachi, pas tonique, mou, un peu flegmatique, machin. Et Madame Bovary, bon, elle est un peu. Elle rêve et tout, donc machin, donc c'est très féminin, mais elle est toujours dans le truc de. C'est elle qui veut des amants, c'est elle qui veut faire le truc. Et en fait, je crois, hein, dans les. Comment on appellerait ça maintenant avec le langage de la gender studies? Les codes de genre, enfin, les trucs de performance de genre, en fait, Madame Bovary, c'est un homme. Et c'est ça, en fait, le truc qui va la. Qui, en fait, dans l'histoire, l'amène à sa perte. Parce que c'est une femme qui ne peut pas être un homme. On ne la laisse pas la possibilité d'être un homme, parce qu'à l'époque, voilà. Donc, en fait, elle aurait mieux fait. Il faudrait réécrire Madame Bovary, mais à la fin, elle s'assume complètement, elle fait sa transition, en vrai. Tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même tout le questionnement autour de la lecture, et de ce que fait la lecture aux femmes, hein. Oui, la lecture, mais ça, c'était... Mais en fait, c'est... Alors évidemment, c'est ce que fait la lecture aux femmes, parce que les femmes sont trop imaginatives, elles lisent trop, ça leur met des idées dans la tête, et gna gna. Certes, mais en fait, il n'y a pas que les femmes. Enfin, dans le cas de Madame Bovary, oui, mais on faut pas oublier que Madame Bovary, c'est quand même une réécriture de Don Quichotte, hein, en partie. Et Don Quichotte, c'est pas Doña Quijote, hein, c'est un homme. Bon, après, c'est dans un cadre réaliste et un cadre social, donc, alors que Don Quichotte n'est pas un roman social. Enfin, pas complètement. Et donc évidemment, là, mais parce que ça flatte aussi des idées de l'époque sur les femmes et la lecture. Mais moi, c'est jamais ce qui m'a le dérangé le plus, en fait, dans ce livre. L'idée que les femmes auraient des idées en lisant et que machin. Parce que pour moi, ça a toujours été Don Quichotte au fin fond de la Normandie, quoi. Donc c'est ça, tu vois. Ça, c'est pré-Proust. Proust l'a repris après. Quand je parlais du docteur Cottard chez Proust, le docteur Cottard chez Proust, il comprend jamais l'expression imagée. En fait, il prend tout au pied de la lettre et il fait toujours des gaffes, tu vois. Il est genre là, genre on lui dit, je sais pas, il faudrait que je trouve une expression, j'ai pas d'expression imagée sous la main là. Mais t'as pas une expression imagée? Malheureusement, non. Non, bon, et en fait, il prend tout au pied de la lettre et donc du coup, socialement, il est juste gênant, quoi, en fait, il est awkward. Et en fait, il y a déjà ça chez Flaubert, parce qu'il y a il y a donc Homais, donc le gros pharmacien la dégueu qui est bref, et il dit cela vous semble drôle, n'est-ce pas, moi qui reste toujours plus confiné dans mon laboratoire que le rat du bonhomme dans son fromage. Donc c'est une expression, même une allusion à la fable du bonhomme de La Fontaine, voilà. Et le l'aubergiste lui répond, ah bon, quel fromage. Il est trop bête. C'est trop drôle. C'est comme chez Proust, tu sais, bon, ça c'est méchant parce qu'il se moque des bonnes et j'aime pas les bourgeois qui se moquent des bonnes. Mais quand tu sais, quand il parle de Françoise, c'est Françoise, hein, le nom de la bonne, ouais. Et qu'il dit, il dit que non seulement elle avait pas compris qu'on disait le jambon, que c'était jambon de York et pas le jambon de New York, mais en plus elle prononce New York et donc elle dit du jambon de New York à la place de jambon de York. Mais j'aime pas qu'il se moque, alors du coup j'aime pas parce que j'aime bien Françoise. Parce que en fait c'est toujours le truc de mépris social et ça m'énerve, tu vois, mais voilà. Est-ce que t'as parfois des trucs un peu conflictuels comme ça où tu lis quelque chose, ça te plaît, mais tu sais que ça devrait pas te plaire normalement? Ah, mais toujours. Mais c'est justement ce que j'aime dans le, dans la littér dans les livres. Bah, d'ailleurs, dans le premier podcast, je crois que ta copine te le disait à un moment sur la misogynie. De qui déjà? De Huguenin, non? Peut-être Huguenin. Non, non. De Rémy Gourmand. De Gourmand. Et elle disait, et bah, dans mon souvenir, hein, je ne sais pas si c'est ça, tu me corrigeras ou pas, elle disait que elle savait qu'elle ne devrait pas rire de certaines blagues, et, enfin, ou de certains passages comiques, mais elle le faisait quand même parce que, enfin, bah voilà, c'est tellement bien fait que de toute façon tu ris. Moi j'ai pas ce. En fait, disons que moi j'ai pas une boussole morale très très. En fait, plutôt que c'est plutôt ça, c'est que à partir du moment où je commence à lire, ou d'ailleurs ça peut être pour les films aussi, c'est pas que j'abandonne mes idées ou ma moralité, ou j'aime pas le mot moralité de toute façon, mais mes principes moraux, voilà, plutôt. Je sais pas que j'abandonne mes principes moraux, mais qu'en fait. Bah si, en fait je les abandonne un peu. En vrai, si je prends moi mon cas personnel, tu vois, étant par exemple quand je vois des trucs homophobes dans des livres, des blagues homophobes dans certains livres qui datent d'il y a longtemps, tu vois, bah en fait ça me touche pas, alors que ça devrait me toucher parce que je suis pédé machin, tu vois. Et en même temps j'ai du mal à juger les gens de l'époque, enfin, quand c'est très éloigné, après quand c'est contemporain c'est autre chose, quand c'est très éloigné, j'ai du mal à juger les gens de l'époque en fonction de critères qui sont les nôtres maintenant, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a une petite victoire morale, c'est-à-dire que l'autre personne est morte? Oui. Bon, on mourra aussi. C'est pas encore sûr. Mais tu vois, ouais, non, du coup, non, ça me... Et puis bon, bah oui, mais après, en fait, je suis rarement devant le cas, c'est surtout avec l'humour, en fait, le problème, c'est jamais, parce que les jugements, tu vois, par exemple, quand t'as un truc et parce qu'en fait, l'humour a besoin de toi, pour fonctionner, quand, par exemple, t'as un livre, où il y a à un moment des passages racistes, mais qui sont pas de l'humour, juste des phrases racistes, là, ça peut me gêner, tu vois, mais moins, non, c'est pas ça que je veux dire, ça me gêne pas trop, parce qu'en fait je me dis c'est juste un état d'esprit de l'époque, donc c'est des schémas mentaux de l'époque, une idéologie, des préjugés de l'époque. Mais quand même un livre de cette époque, de la même époque, fait de l'humour avec des blagues racistes ou des blagues homophobes ou des blagues misogynes, là ça me gêne un peu plus quand même, parce que ça demande ta participation, tu vois, pour que ça existe. Et donc, t'es pris malgré toi dans la chose. Et donc, c'est comme si t'avais une espèce de. Oui, de. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher parce que c'est tellement drôle parfois. Donc, t'es là, genre, ah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mais ça me pose pas après plus que ça de problèmes, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est un... par exemple, pour parler de Céline, je trouve que les pamphlets. Enfin, certaines pages des pamphlets de Céline sont très très drôles. Est très très bien écrite, et c'est même par certains aspects un chef-d'œuvre d'une certaine littérature française. Donc c'est difficile de dire que tu vas pas les lire, parce que pour plein de raisons, clairement, mais en fait on est quand même obligé, parce que si tu veux connaître la littérature française, t'es obligé d'avoir lu ça quand même, je pense. T'es pas d'accord avec moi? Non, je pense que t'es pas d'accord avec moi. Tu opines, mais je vois bien que dans ton regard il y a quelque chose qui s'est perdu, genre mon dieu, les illusions sont parties. Ou genre mon dieu, on est arrivé sur Céline, il fallait pas arriver vers là. Non mais si, et puis j'ai lu quelques extraits de un ou deux pamphlets de Céline, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois un peu drôles ou bien écrites, etc. Mais je pense plutôt même à des choses qui... Enfin, où t'as un passage, par exemple, dans l'école des cadavres, ouais. où en gros, il dit, de toute façon, il n'y a pas de solidarité ouvrière, c'est tout le monde veut sa part du gâteau, et donc ils veulent la part du gâteau des bourgeois, mais s'ils l'avaient eux, ils diraient rien. Et un truc comme ça, et qui va donc totalement à l'inverse de ce que je pense, et ouais, je pense qu'il n'y avait plus de solidarité, etc. Et pour autant, bah c'est très bien écrit, et c'est plutôt drôle la manière dont il le dit, la manière dont c'est imagé, etc. Le truc le plus gênant pour moi, c'est par exemple, Céline est très fort pour ça, c'est quand il fait des blagues très très drôles, où il dit pas clairement, il parle pas clairement des juifs, mais tu sais qu'il y pense, tu vois. Et ça me tue, parce que t'es là genre, ah c'est drôle, et après tu fais, ah mais en fait il parlait pas des juifs là, sans le dire, tu vois. De manière hyper, genre une petite allusion, mais... genre très très caché, où tu te dis en fait oui il parlait vraiment des juifs, et c'est là où tu te dis en fait j'ai rigolé sans savoir, T'as l'impression que t'es... Enfin, c'est ça le truc. C'est quand tu rigoles et qu'après tu te rends compte que, en fait, ah, ça c'était marrant, et que plus le paragraphe avance et plus en fait ça arrive sur les juifs toujours ou sur autre chose, tu vois. Mais. Et là, tu te dis, en fait, ah, au début, j'ai été pris, ça m'a fait rire. Et après, genre, ah, en fait, c'était vraiment ça, parce que... Bon, le truc le plus drôle étant quand même quand il insulte Sartre, qui est de toute façon très, très drôle tout le temps. Ah, là, j'étais du bocal. Quand il lui dit, ah, oh, j'ai même pas encore fini de te chier, que t'es en train déjà de me crier dessus. Tu sais, à un moment, il dit, je sais plus ce qu'il lui dit, mais c'était vraiment très drôle. Le problème, c'est qu'il est un peu fatiguant, en fait. Céline, j'ai toujours l'impression que c'est un mec qui a un tambour et qui fait poum, poum, poum, pour qu'on le regarde, tu vois. Mais en fait, c'est comme les enfants qui... une trompette, quoi. T'as juste envie de le taper à la fin et de lui dire allez, va jouer ailleurs. Donc en fait, pour moi, c'est ça, Céline. Parce que au début, parce que moi, comment s'appelle Le Voyage au bout de la nuit, c'est un des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ma vie. Mais en fait, je me suis rendu compte que même mort à crédit, j'arrive pas, quoi. Tu vois, ça me saoule. Et en fait, après, il devient une espèce de comment on dirait de tic de langage sur pattes, tu vois. Donc, et après, genre, c'est juste bah. Tu fais ton truc, tu fais des petits points, tu fais ton point d'exclamation. Enfin, en fait, ça, après, ça m'intéresse plus du tout, quoi. Donc, en fait, ça m'intéresse pas des masses. Finalement. Hervé Guibert, Le seul visage. Dans l'écriture, je n'ai pas de frein, pas de scrupule, parce qu'il n'y a que moi, pratiquement, qui suis mis en jeu. Les autres sont relégués, en abstraction de personnes sous forme d'initiale. Tandis que dans la photo, il y a le corps des autres, des parents, des amis... Et j'ai toujours une petite appréhension. Ne suis-je pas en train de les trahir en les transformant ainsi en objets de vision ? Cette question, heureusement, est vite chassée par une autre idée. Qu'en dévoilant ainsi à d'autres, à des corps étrangers, passants et peut-être indifférents, je peux aussi les imaginer complices, des corps familiers, des corps aimés, je ne fais qu'une chose, et c'est une chose énorme, je crois, c'est en tout cas le but de toute mon activité, de toute ma prétention créatrice, témoigner de mon amour. Je crois que mon cas dans la photographie n'a d'intérêt que dans ma résistance à la photographie, dans cette façon rétive, prudente, soupçonneuse de la pratiquer. Je photographie relativement peu, comme un amateur, je ne prends mon appareil que lorsque je pars en voyage. Les photos qu'on verra ont donc été prises en Italie, en Espagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie, aux États-Unis. Pourtant, on ne reconnaît sur ces photos aucun des pays nommés. Elles pourraient être prises n'importe où dans la banlieue parisienne. En même temps, elles seraient différentes car le sentiment d'un pays, la fatigue grisante du voyage, son acuité perceptive, j'imagine, s'y réverbère. Le corps aimé m'est accessible partout et dans la quotidienneté parisienne, mais ce n'est qu'éloigné, contrasté, seul avec moi sur une terre étrangère, que j'ai envie de le photographier. Libéré de l'habitude, égaré dans des consonances incompréhensibles, il devient le personnage d'un journal de voyage. Mais qu'est-ce qu'on a... Ben voilà, qu'est-ce que je te parle d'autre chose ou pas ? Non ? Ben ce qui te vient ? Ben ce qui me vient... Tu vas parler de ton bureau ? Alors mon bureau, alors oui, mais est-ce que pour l'instant c'est pas très significatif. Pour mon bureau, il y a beaucoup de choses dans mon bureau parce qu'il y a, alors en fait on, toi tu l'as pas vu encore, mais sur les, dans les, dans le, en fait c'est un bureau sur tréteaux, et donc il y a des endroits où on peut ranger des choses sur les tréteaux, et donc il y a des cartons de rangement où en fait il y a des manuscrits, c'est des manuscrits à moi, donc des livres que j'ai écrits depuis 2009, ça fait 10 ans, donc il y en a beaucoup. Et aussi, il y a en ce moment une traduction que je suis en train de terminer et que je suis en train de corriger. Là, du coup, je suis en train de relire pour faire les corrections. Et en face de mon bureau, c'est la partie la plus importante, derrière ce tableau de Liège qui n'a que 2 jours, donc qui n'est pas très significatif, il y a toute une mosaïque d'images, de cartes postales, surtout qui sont des reproductions de cartes postales ou des choses que j'ai imprimées. Et qui viennent de, enfin, qui ont des significations très précises. C'est comme un tatouage, hein. C'est des significations très précises pour moi. Il y a, en tout en haut, il y a une carte postale de Boston, parce que c'est là où j'ai vécu. À droite, là, tu vois, il y a le Chrysler Building, donc à New York. C'est une ville que j'aime beaucoup. Il y a San Francisco. Enfin, il y a aussi les villes où j'ai voyagé, comme tout le monde, hein. Enfin, comme tout le monde a ses propres villes auxquelles il a voyagé. Je dis pas que tout le monde est parti, hein. En bas, là, juste, il y a la petite statue, c'est la statue de mon endroit préféré à New York. c'est l'ange, la place de l'ange de Bethesda dans cette Central Park que j'adore. Et le reste, il y a des photographies et des tableaux que j'aime. Que ce soit un truc de Nicolas Dostel, il y a une vanité de... J'aime beaucoup les vanités. J'aime beaucoup les têtes de mort. D'ailleurs, il y en a une là-bas, c'est ma... Tu vois, ma... tirelire. Et il y a... Et j'ai un gros truc de tête de... Enfin, un grand squelette. C'est un truc de Vézal, je crois. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup les têtes de mort. Donc, il y en a un peu partout. Il y a une tête de mort de ce peintre chinois dont j'oublie toujours le nom. Peiming. Non. Ça, c'est le mec qui a fait la... Qui a fait la pyramide, non. Je sais plus. Bref. Et il y a un autre truc, je sais plus. Je crois que c'est Van... C'est Van Gogh, je crois. Je sais plus. Et celui que j'adore, parce que c'est, la, c'est le dessin qui nous attend tous, à cause de la cigarette. Alors, il est derrière mon truc, je vous montre. C'est celui-ci. C'est le squelette qui fume une clope. Et c'est Van Gogh, ça. Je l'avais acheté au musée à Amsterdam. Et voilà. Et en fait, parce que j'aime beaucoup avoir beaucoup d'images. Comme ce que je disais tout à l'heure sur la photo, en fait, et la dépression. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup avoir des images devant moi. Parce que ça me... Quand je travaille, alors ça peut m'inspirer pour les textes que j'écris, bon, quand j'essaie d'écrire et que j'essaie de faire des choses. Mais j'aime beaucoup avoir des images devant moi parce que ça fait vraiment partie aussi d'une forme de... Comment dire ? De bibliothèque d'images mentales. Et en fait, pour moi, c'est aussi très important d'avoir des choses qui nous inspirent et qui nous émeuvent. Surtout quand... Quand, comme moi, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps de sa vie à lire, en fait. Parce que moi, je passe énormément de temps de ma journée à lire, en fait. C'est parce qu'une partie de ça, c'est mon travail. Et en plus, quand je rentre chez moi, je lis. Donc, en fait, je n'ai pas de vie physique. Et donc, du coup, c'est important aussi, de temps en temps, de sortir d'un mode d'expression uniquement imaginaire via la graphie, les lettres, pour être dans un imaginaire pictural. Et j'en ai besoin. Parce que du coup, ça me vide la tête. Et c'est pour ça que j'ai autant d'images chez moi. Donc il y a aussi, il y a aussi une affiche de théâtre que j'aime bien, parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui est une pièce qui s'appelle Angels in America, que beaucoup de gens tu connais, Angels in America. C'est une des pièces américaines très très importantes de la fin du 20e de Tony Kushner. Et c'est, donc ça dure très longtemps, ça dure 8 heures je crois. C'est en deux parties. Il y en a une qui s'appelle Perestroika et l'autre qui s'appelle... Millennium Approaches, je sais plus, un truc comme ça. Et c'est dans les années 80, sous Reagan, à New York, c'est le dessin de plusieurs personnages et le rapport à l'arrivée du sida, en fait. Et il y en a par exemple, il y a un couple où un des deux est en train de mourir du sida, et il y en a un des deux qui voit un ange lui arriver dans son rêve, avec qui il a un orgasme magnifique. Pour lui annoncer en fait une prophétie, etc. etc. Et donc t'as plein d'autres personnages, t'as un espèce d'avocat, un procureur, je sais plus, très très proche du pouvoir, qui est un homosexuel dans le placard et qui apprend aussi qu'il a le sida et donc il veut pas que ça se sache, donc il dit que c'est un cancer, etc. etc. Et c'est lui qui a fait condamner il y a 20 ans plus tôt les époux Rosenberg et qui lui apparaissent en rêve. Donc, Ethel et Julius Rosenberg sont des personnages de la pièce aussi. Et voilà, et autour de ça, t'as des infirmiers, t'as plein de choses. Il y en a un, c'est un mormon. Ah oui, j'adore ce personnage aussi. Il y en a un espèce de mormon hyper tradi, machin, qui est en fait un PD refoulé, avec sa femme qui est complètement folle et qui s'imagine qu'elle est en Antarctique alors qu'en fait elle est à Brooklyn. Et j'adore, et ça a été joué il y a pas longtemps, là, tu vois, l'an dernier, à la cartoucherie. Et c'était. D'ailleurs, je pense qu'il tourne vraiment beaucoup ce spectacle parce que j'ai une copine qui l'avait vu il y a 2 ans ailleurs, genre en France. Pas à Paris. Et en fait, genre, le spectacle durait 5 heures et t'avais l'impression que ça durait 1 heure tellement c'était bien. C'était tellement bien. Et donc voilà. Et dans le. Ouais, c'était vraiment bien. Donc j'aime beaucoup. En plus, elle est belle cette affiche, non? T'en penses quoi? Comment tu la décrirais, toi? Pour te faire participer à la chose que je vois pas tout seul à Paris. Alors, ce que je vois. C'est une boîte rouge sur un mur avec une vitre transparente. Et sur cette boîte, on voit un endroit où placer une clé. pour l'ouvrir. Une serrure, donc. Une serrure. Et relié à cette boîte, on trouve un marteau, rouge, ouais, également. Donc, en cas d'urgence, je suppose, ouais, pour ouvrir la vitre. Ouais. Et à l'intérieur de la boîte, derrière la vitre, on voit ce qui ressemble à un perroquet. C'est-à-dire un oiseau. Parce que je sais pas ce que c'est comme oiseau. Un oiseau. Je sais pas si c'est un perroquet. Hein. Un oiseau avec ouais, des couleurs, très vert, bleu et jaune. Yes. Posé à l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, en fait, j'aime beaucoup cette image, mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, je jure. Parce que je comprends pas ce que ça. Tu comprends ce qu'ils veulent dire avec cette image? Alors, c'est toi qui as vu la pièce. Hein. Mais en fait, je vois pas le lien. Alors, peut-être qu'il y a peut-être un genre, une phrase à un moment qui fait référence à un truc. Mais je. Parce que tu vois, c'est genre. Si, il y a le côté. À la fois prisonnier et l'urgence et tout, mais je comprends pas. Et donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette pièce, c'est pas forcément pour l'image, mais surtout pour la pièce. Et voilà, et après il y a d'autres choses, il y a un truc que j'aime bien, c'est mon truc fag là, avec les femmes qui. Tu comprends le jeu de mots? Ou pas? Cigarette, homosexuelle? Voilà, c'est ça. Alors c'est une espèce de petite boîte, on va expliquer quand même, avec une photo, vieille photo de trois, en noir et blanc de trois femmes en train de fumer, et il y a écrit fag avec des lettres de Scrabble en bas, et donc fag, ça veut dire à la fois cigarette et PD, pédale. Et du coup, j'aime bien parce que c'est l'impression qu'elle me juge en fumant, et elle me dit genre, ah, vieux PD, tu vois. J'aime bien. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un livre que j'ai commencé à lire qui est très bien, qui s'appelle Fagots, de Larry Kramer, qui avait été le fondateur de ACT UP aux États-Unis, qui parle aussi d'ailleurs du monde, dans le livre du monde homosexuel, mais avant le sida. Et c'est très drôle parce que je voulais voir si ce livre avait été traduit en français. Donc fagot, ça veut dire pédale, pareil que fag. Et en fait, il a été traduit en français dans les années 70 ou 80. Mais bon, je pensais qu'ils auraient traduit le titre en mettant genre PD ou pédale, tu vois. Et en fait, ils ont traduit fagot par fags, qui n'est pas non plus du français. Donc je suis là, mais quelle est la logique derrière ce choix? Enfin, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce livre existe en France, enfin, a existé en français, sous le nom fags, qui ne veut rien dire. Mais peut-être qu'à l'époque, les gens savaient plus ce que ça voulait dire, je sais pas. Avec un bandeau avec marqué « Le livre qui a scandalisé l'Amérique ». Genre la promotion, quoi, de ouf. Jardin Herval, les chimères. Myrto. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posilipaltier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, au raisin noir mêlé avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand au pied d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert, c'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain l'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours, sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle hortensia s'unit au myrte vert. Je vais te parler de Knigi. Parmi les livres qui sont au-dessus de mes piles et qui sont présentés de manière à être vus par tout le monde, il y a Knigi. Knigi et le livre fantôme, qui est un livre pour enfants. Et Knigi, c'est l'histoire d'un... Je me souviens plus de ça. Hein. C'est l'histoire d'un fantôme qui reçoit en cadeau un livre de ses tantes. Et en fait, je dis ça parce que ça m'a fait penser au... Ce que tu me disais tout à l'heure sur les livres qui ont de l'importance pour nous, parce que c'est des personnes qui nous l'ont offert. Et ça, ça a été offert par mon ex, avec qui je suis toujours ami d'ailleurs, et qui m'a offert Knigi, le livre fantôme, parce qu'il m'a dit que c'était moi, Knigi. D'ailleurs, on voit le truc qui est passé de blanc à jaune à cause de la fumée de cigarette, la couverture. Et donc, il m'a dit que c'était moi, Knigi, parce qu'en fait, tout le temps qu'on a passé ensemble, qu'on a vécu 5 ans ensemble, H24, pendant tout le temps où on a vécu ensemble, j'écrivais un livre, mais qui n'a jamais été terminé. Et pour lui, c'était le livre fantôme. Et donc du coup, il m'a acheté Knigi en me disant, bah voilà, c'est pour que tu finisses le livre que tu devais écrire et que tu n'as jamais fini. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien Knigi. C'est comme je le regarde et puis ça me motive à continuer. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'est les seuls livres qu'on m'a offerts en fait récemment, parce que les gens savent que je suis très difficile et que je vais bouder, je vais faire ah oui c'est gentil, merci. Et sinon voilà, et la dernière chose que je voulais dire, c'est sur l'emplacement de mes livres, c'est que au-dessus de mon lit j'ai un petit renfoncement où je peux mettre des livres, et récemment j'ai mis je me suis fait un coin poésie où j'ai mis. Alors, il y a beaucoup de poésie en anglais, parce qu'en ce moment, je lis beaucoup de poésie en anglaise, enfin américaine, anglo-saxonne. Et du coup, il y a les poèmes de Elizabeth Bishop que j'aime beaucoup. Il y a des poètes comme Anne Carson ou Fanny O. Enfin, c'est que des gens, ben là, pour le coup, qui ne sont pas traduits, hein, malheureusement. Et il y a par exemple, j'ai lu récemment les bucoliques et les géorgiques de Virgile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là où on se rend compte. C'est très intéressant pour les géorgiques. Donc, c'est pas la même personne qui a traduit les deux. Là. Les bucoliques sont traduits par. Bah, c'est la traduction de Paul Valéry, je crois, pour mon souvenir. Et les géorgiques sont traduits par l'abbé machin, là, comment il s'appelle? Je vais te dire ça tout de suite. Et c'est juste ça, parce que je voulais parler juste de la traduction. Enfin, parce que j'ai pas parlé de la traduction alors que c'est quelque chose d'important dans ma vie. Et ça a été traduit par l'abbé de Lille, ou Jacques de Lille, donc dans au 18e siècle, je crois. Pendant la Révolution, c'est bien le 18e siècle. Ouais. Enfin, oui, la vraie. pas la vraie. et en fait, ce que je voulais dire, c'est pour ça que je voulais parler de ce truc, c'était un prétexte en fait. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte en lisant. Donc les géorgiques traduites par Jacques Delisle, donc au XVIIIe siècle, que parfois les œuvres traduites, la traduction d'une œuvre, peut devenir un chef-d'œuvre de la langue dans laquelle elle a été traduite. Parce que là, la traduction, pour moi, hein, la traduction des géorgiques par Monsieur Delisle, c'est vraiment genre un des chefs-d'œuvre de la littérature française. Et juste, bah, on le sait pas forcément, enfin, on peut le savoir, les gens, les spécialistes peuvent le savoir. Mais comme c'est une traduction, on se dit pas c'est une œuvre originale. Et en fait, si. C'est aussi une œuvre originale. Et j'ai adoré ce. Tu vois, j'ai mis genre beau. Et il y a des choses magnifiques. Bon, c'est très. C'est très. Comment dire. C'est un peu du blockbuster de la poésie. Genre, c'est très. Tagla, tagla, tagla. Tu le sens, le truc, le métier derrière. Mais c'est très, très beau. Il y a une façon de parler. Et ce monsieur, donc. Il a écrit beaucoup de poésie sur les jardins. Il a fait un peu ses géorgiques à lui aussi. Il a fait un traité de jardinage en poésie, ou un truc comme ça, et c'était très très très beau.